travailleurs motivés et à l'heure très efficaces. Sans chercher les honneurs, j'irai avec ardeur gagner ma place. Je mettrai tout mon cœur pour être le meilleur, j'aurai l'audace que n'ont pas les chômeurs, les perdants, les râleurs qui nous menacent. Plus un jour de repos, tout juste un par semaine, jamais un mot de trop, et je dirai amen, et je dirai amen. Je serai raisonnable, je serai raisonnable. J'aurai pour ma santé toujours un grand respect, aucune entrave. Pour ça j'écouterai les conseils avisés de ceux qui savent. Fumer tu il paraît et boire a des effets souvent très graves. Je dois abandonner et bien me conformer tel un esclave. Plus une cigarette, tout juste un verre de vin, c'est sûr demain j'arrête, puisque c'est pour mon bien, puisque c'est pour mon bien. Je serai raisonnable, je serai raisonnable. J'aurai d'ici 10 ans construit en y croyant une famille, un mariage en blanc et 2 ou 3 enfants, dont une fille. Beaucoup de pauvres gens restent seuls tristement derrière les grilles. Socialement parlant, moi j'aurai mes enfants pour que ça brille. Plus jamais marginal, tout juste remarqué, pas trop original, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un d'équilibré. Je serai raisonnable, je serai raisonnable. J'aimerai ma patrie, lui donnerai ma vie, c'est une chance d'avoir été choisi pour sauver son pays dans la souffrance. Mais s'il faut aujourd'hui, au nom de leur profit, lâcher la France, pour leurs économies, il faut leur dire oui, quoi qu'on en pense. Plus une idée à soi, tout juste un choix des listes, je laisserai ma voix à tous les spécialistes, à tous les spécialistes. Je serai raisonnable, je serai raisonnable. Et quand je serai vieux, je souffrirai un peu sans jérémiade. Je penserai à Dieu pour mieux silencieux quitter l'estrade. Sans être dispendieux, vivrai trop onéreux pour les malades. Je dirai juste adieu, j'étais très heureux de la balade. Plus capable d'un mot, tout juste encore d'aimer, n'étant plus qu'un fardeau, je devrais m'effacer, je devrais m'effacer. Je serai raisonnable, raisonnable, je serai raisonnable, raisonnable.